simplement dire que j'utilise un synthétiseur de son pour cela, ces sons souvent très barbares dits électroniques, et que j'ai trouvé dans ce matériau une certaine richesse, une certaine capacité d'expression, par le fait même que leur durée n'était pas limitée à celle d'un souffle pour un instrumentiste vocal ou avant, enfin, ce qui est un peu la même chose, pour la tenue, le temps d'une tenue d'archet qui peut effectivement être prolongée, mais avec une très grande dextérité dans les raccords. Ce son permet de s'y étendre, de se laisser fasciner. Et en fait, en vous écoutant tout à l'heure, je retrouvais un petit peu un phénomène qui se produit assez souvent lorsque je travaille. C'est la fascination qu'exerce une trame sonore, sa richesse, tout ce qu'il contient dans son épaisseur, dans les multiples fils qui constituent sa trame. Et si je transmettais ou si je projetais cette image visuellement, c'est un petit peu comme un écheveau avec des couleurs qui seraient celles de l'arc-en-ciel. Et de temps en temps, mon regard est séduit par une certaine brillance d'un vert. Un autre temps, j'essaie de faire émerger un jaune doré. Et je me laisse entraîner comme ça. Je me laisse entraîner simplement à la fascination.